L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut ? Par Eric Simon. Le mystère entourant les bouffées rapides d'ondes radio, les FRB, Fast Radio Bursts, ne s'éclaircit pas encore, mais ces événements étranges peuvent être utilisés pour étudier l'espace qui nous sépare de leurs sources inconnues, comme la morphologie des champs magnétiques du milieu intergalactique. On ne connaît aujourd'hui qu'une vingtaine de FRB, depuis la première qui fut découverte en 2007. Les bouffées rapides d'ondes radio, comme leur nom l'indique, sont des flashs de quelques millisecondes d'ondes radio et qui semblent venir de très très loin, bien au-delà de notre galaxie. Leur origine est toujours en débat aujourd'hui et les théories proposant une explication sont plus nombreuses que les spécimens observés. Une équipe d'astrophysiciens a utilisé les données enregistrées sur la bouffée rapide d'ondes radio la plus intense détectée à ce jour, qui apparut le 7 août 2015, FRB 150807, détectée par hasard avec le radiotélescope australien Parkes, alors qu'il suivait le pulsar PSR J2241-5236. L'intensité de cette FRB a atteint la valeur de 120 Jansky, une unité de puissance nommée en l'honneur de l'un des pionniers de la radioastronomie, Karl Jansky, équivaut 10 puissance moins 26 watts par mètre carré et par hertz. En plus d'être particulièrement intense, FRB 150807 montrait également une polarisation linéaire à 80%, ce qui indique une forte directionnalité au niveau de l'objet source. Et cette polarisation est intéressante pour les astrophysiciens, car elle peut leur servir d'outil pour étudier le milieu de propagation de ces ondes radio, l'espace séparant la source inconnue et nous. Les champs magnétiques du milieu interstellaire sont connus pour perturber les signaux polarisés en produisant une rotation du plan de polarisation au cours de la propagation. Cet effet est appelé la rotation de Faraday. Ce que montrent Vikram Ravi du California Institute of Technology et ses collaborateurs, c'est que, bien que la FRB semble provenir de beaucoup plus loin que notre galaxie, l'effet de la rotation de Faraday paraît très faible. Ils en déduisent des limites sur la magnétisation du milieu intergalactique. La valeur moyenne du champ magnétique parallèle à la ligne de visée est ainsi déterminée être inférieur à 21 nanogauss. Les chercheurs ont conclu à l'existence d'une faible turbulence dans le milieu intergalactique ionisé. Avec le petit nombre de FRB détectés depuis 2007 et déjà avec une aussi intense que FRB 150807, il semblerait que ces FRB intenses soient statistiquement assez communes. Cela signifie que même des petits radiotélescopes de faible sensibilité et donc faible coût pourraient être utilisés pour détecter ces événements et peut-être finir par résoudre le mystère de leur origine. Les efforts dans ce sens vont donc bon train. L'équipe de Caltech, qui publie cette étude sur le champ magnétique intergalactique dans la revue Science cette semaine, s'est déjà mise en action pour construire un radiotélescope à bas coût dédié à la détection des FRB en utilisant des paraboles de 5 mètres du commerce. Leur système devrait entrer en fonction dans quelques mois et ils estiment pouvoir détecter une FRB du type de FRB 150807 toutes les 2 à 3 semaines. Le gros avantage du radiotélescope de Caltech est qu'il pourra localiser les FRB avec une précision de quelques secondes d'arc, ce que ne peuvent pas faire les grands radiotélescopes comme Parkes sur des événements de durée aussi courte. Le but est bien sûr de pouvoir déterminer la présence d'une galaxie à l'endroit localisé de la FRB, donnant par là même un indice important pour comprendre son origine. Mais une autre équipe s'est lancée elle aussi dans la course, menée par des astronomes canadiens. Ils sont actuellement en train de construire un radiotélescope nommé CHIM, pour Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, à Penticton en Colombie-Britannique. SHIM sera plus sensible que le radiotélescope américain de plusieurs ordres de grandeur. Il pourrait ainsi détecter plusieurs dizaines de FRB par jour à partir de la fin 2017. En plus de leur localisation, les astrophysiciens espèrent pouvoir déterminer comment les FRB se répartissent en intensité, un paramètre crucial pour la compréhension du phénomène. Les effets de rotation de Faraday observés, quant à eux, devront fournir des données d'entrée pour les modèles cosmologiques et de formation des galaxies. L'article de Vikram Ravi, Ryan Shannon et leurs collaborateurs est paru dans Science vendredi 9 décembre 2016 et il a pour titre « The Magnetic Field and Turbulence of the Cosmic Web Measured Using a Brilliant Fast Radio Burst ». Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselao.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des FRB et des phénomènes étranges se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur PodCloud, sur iTunes, sur Stitcher, toujours. Et toujours sur le blog, bien sûr. Allez, à très bientôt, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre.